L'aigle et le moineau. De contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. L'aigle et le moineau. À Nathalie Boulanger. N'ayant rien d'autre sous la serre, l'aigle fondit sur un moineau. « Ah, sire, dit le pauvre air, je suis un bien petit morceau. »« C'est juste, répondit le sire, mais le sort ainsi l'ordonna. Quand on n'a pas ce qu'on désire, il faut manger ce que l'on a. J'accomplirai ce sacrifice, qui n'était pas dans mes projets. Il faut bien qu'un roi se nourrisse du sang de ses pauvres sujets. J'aimerais bien mieux pour pâture un pigeon, un merle, un perdreau. Et quoique sa chair soit bien dure, j'aimerais mieux même un corbeau. Mais si mince que soit la proie, il m'en faut une, la voilà. Va donc où le destin t'envoie. » Ainsi parlant, il l'avala. C'est la loi, l'usage, la règle. C'est l'homme ainsi que chez l'oiseau. Le moineau ne mangeant pas l'aigle, l'aigle doit manger le moineau. Fin de L'aigle et le moineau, enregistré par Margot.